On va parler de politique et de sport, parce que le sort de Denis Coderre qui va se jouer dimanche pourrait peut-être décider du sort des expos pour l'avenir. On sait que Denis Coderre est probablement le gars le plus qui est probablement le premier promoteur du baseball majeur. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passerait si Denis Coderre perdrait ses élections dimanche? On en parle avec il suit le dossier du baseball, du retour du baseball depuis longtemps. C'est Frédéric Degg de la presse canadienne. Salut Fred. Bonjour Danny. Fred, qu'est-ce qui se passerait? Moi, je t'inquiète, là, rassure-moi. Est-ce que tu penses que ça pourrait être inquiétant? Parce que là, les derniers sondages indiquent que Valérie Plante est en tête. Et on sait que on pourrait dire que son histoire a commencé pas mal à monter quand elle a émis l'idée de faire un référendum pour le dossier du stade. C'est à partir de ce moment-là que peut-être sa popularité a monté. Et là, je commence à être inquiète drôlement. Ben écoute, moi, je pense que le dossier du stade ne mourra pas avec l'élection, ne mourrait pas avec l'élection de Valérie Plante et la défaite de Denis Coderre. Moi, je pense que quand on a un projet de 1,5 à 2,5 milliards de dollars, je pense que les gens qui sont derrière ça, les Bronfman, les Garber, les Rossi, etc., je pense qu'ils sont suffisamment avancés dans le projet pour pas qu'ils soient dépendants de l'élection de dimanche. Okay. Ceci dit, je pense que ce qui sera plus compliqué si jamais Mme Plante remportait les élections, c'est le financement du stade. Steven Bronfman ne s'en est pas caché. Le 1er avril dernier, quand on a eu la chance de l'interviewer en marge des matchs des Blue Jays à Montréal, il nous a dit que ça va prendre un partenariat public-privé pour la construction du stade. C'est certain qu'il y a une partie du financement. On compte sur le public pour ça. On n'a pas dit dans quelle proportion, on n'a pas dit quelle forme ça pouvait prendre. Et ça, c'est un peu le grand inconnu dans cette élection-là, mais dans ce dossier-là. Moi, je ne pense pas que le groupe de gens d'affaires, et je peux me tromper, là, c'est mon opinion à moi. Moi, je ne pense pas que ces gens-là veulent de l'argent du public, de l'argent. C'est sûr que ça va avoir une valeur. Mais moi, est-ce que c'est l'octroi d'un terrain? Est-ce que c'est un congé de taxe pendant, je sais pas, 15, 20, 25 ans, le temps qu'on puisse rembourser la nouvelle infrastructure qui va être le stade? Est-ce qu'on veut, comme un peu comme on a fait à Saint-Louis, est-ce qu'on veut bâtir le stade avec des fonds privés, mais demander à la ville de tout régler les infrastructures environnantes, c'est-à-dire les rues, les trottoirs, les égouts, l'électricité, etc.? Alors, tu sais, une participation du public, ça peut prendre plusieurs formes. C'est ce que Denis Coderre dit depuis le début de ce projet-là du retour du baseball. Et moi, je pense que c'est là-dessus où le groupe de gens d'affaires intéressés à ramener le baseball majeur et peut-être le maire Coderre aurait pu en faire un peu plus, c'est de divulguer davantage la nature de la participation public à ce projet-là. Oui. Parce que là, on est un peu dans le flou. On ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là désirent. On ne sait pas ce qu'ils ont demandé. On ne sait pas ce que la ville a proposé. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Et dans un certain sens, moi, que Valérie Plante dise on ne signera pas un chèque en blanc au groupe de gens d'affaires, ben, à un moment donné, on ne peut pas être contre la vertu. Moi, je pense, par contre, que le référendum, ça, c'est d'aller trop loin. Parce qu'à ce moment-là, si on fait un référendum pour subventionner une entreprise qui s'appelle Baseball Majeur, moi, je pense qu'il faut que tu fasses un référendum pour toutes les entreprises, pour le jeu vidéo, pour les bars de spectacle, pour Bombardier, pour l'OSM. Tu sais, ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Alors, à ce moment-là, qu'on établisse des règles claires, mais là, on verra aussi. Moi, je pense, en tout cas, pour c'est une très longue réponse pour finalement dire que je suis convaincu que le projet du retour du baseball n'est pas lié au résultat de l'élection de dimanche. Mais par contre, Fred, moi, je trouve qu'on a fait un petit peu de démagogie avant le temps. Tu sais, Valérie Plante, ça a monté son affaire. Rappelle-toi, dans les sondages, quand elle a commencé à parler de fonds privés, là, puis pour il y aura pas de référendum. On va faire un référendum pour le financement du stade. C'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est mise à la map, là. Sauf que, écoute, c'est un faux débat. On sait même pas comment que ça va être financé. Tu sais, ce dossier-là. Ouais, c'est un faux débat pour le baseball, c'est un vrai débat dans la campagne électorale, parce que l'une des choses qu'on reproche à Denis Coderre, c'est son manque de transparence. Ouais. Et pas que dans ce dossier-là, on l'a vu avec le dossier de la formule électrique. Ouais. Alors, ça, c'est dans ce sens-là que, la transparence du mode de financement public d'un éventuel stade de baseball, je pense que c'est là où c'est devenu un enjeu de la campagne électorale. Et encore là, encore une fois, sur ce point-là, c'est un argument qui peut se défendre. Sauf que, si je fais la contrepartie de ça, le groupe de Bronfman et Denis Coderre nous disent depuis le début, on n'est pas rendu là. Alors, c'est pas le temps d'en parler maintenant. Ça, ils ont raison là-dessus. Cependant, je me mets à la place des électeurs montréalais, et même comme moi, je suis pas résident de Montréal, là. Alors je n'ai aucun mot à dire sur l'élection de dimanche, mais c'est vrai qu'on aimerait ça en savoir un petit peu plus. Comment ça va marcher? On le sait qu'on n'est pas rendu là. On le sait que le baseball majeur n'a pas ouvert un processus d'expansion ou que les Rays n'ont pas demandé de relocalisation. On aimerait ça en savoir un petit peu plus. On aimerait ça savoir comment ça va se dessiner, ce projet-là. Si on aurait, ça pourrait être, semble-t-il que ça serait le projet de Dominique Therrien, les immigrants. On a entendu parler à travers les branches, ça pourrait être ça. Tu sais, Dominique Therrien qui semble-t-il que ce serait cette méthode-là, mais c'est encore juste des rumeurs, là. J'ai entendu ça. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que, oui, il y a ça dont on a entendu parler, mais on ne le sait pas. Mm. Si c'était ça, le projet, je pense, passerait comme une lettre à la poste, super rapidement. Mais on ne sait pas. Je pense que c'est ça le principal reproche que les adversaires de Denis Coderre lui ont fait au cours de cette campagne électorale. Est-ce que Denis Coderre aurait dû admettre publiquement qu'il s'est trompé avec le dossier de la formule électrique, puis on aurait passé rapidement à un autre appel au lieu de cacher? Ah, il paraît mal dans tabarouette, là. Ouais, ben moi je trouve aussi que le maire Coderre paraît mal dans ce dossier-là. Écoute, est-ce qu'il aurait dû le dire avant? Moi, je suis pas certain que la ville de Montréal s'est trompée avec la formule électrique. Moi, je pense qu'on l'a mal vendu. Je pense qu'on aurait dû dire, c'est un nouvel événement, c'est un peu comme un nouveau commerce. La première année, il y a des bonnes chances qu'on tire pas de profit de ça. C'est un investissement pour l'avenir. Tu sais, Denis Coderre n'a pas cessé de nous dire, le projet du stade de baseball, je sais comment le vendre, je sais comment le présenter aux gens pour qu'ils l'acceptent. Je pense qu'il n'a pas été en mesure de faire ça avec la formule électrique. Je pense que c'est là où l'erreur a été commise. OK. Claude Faneuf, c'est un projet parallèle. C'est parallèlement au dossier du nouveau stade. Claude Faneuf, cette semaine, au 91.9, puis je l'ai entendu même au 98.5 dire que le dossier du stade, de pourquoi mettre de l'argent dans un financement d'un nouveau stade quand tu as le stade olympique, puis là, il disait qu'il y aurait des méthodes moins dispendieuses que le fameux toit du stade à 400 millions. Je l'écoutais parler, puis j'aimerais peut-être l'avoir en entrevue bientôt. C'est pas juste une question du stade olympique, c'est une question de que le stade olympique est passé mode pour le baseball majeur. Es-tu d'accord avec moi? Quand t'es allé à Chicago, quand t'es allé dans un stade aux États-Unis comme Baltimore, comme Boston, comme Cleveland, le stade olympique, ça marche plus. Peu importe, t'es-tu d'accord avec moi? Le modèle d'affaires, ben oui, je suis d'accord. Tous ceux qui disent le baseball devrait se jouer au stade olympique, alors arrêtez de penser tout de suite devant, parce qu'il n'y en aura pas de baseball à Montréal si vous pensez qu'il va jouer au stade olympique. Le baseball majeur a déjà déclaré, avant même de dire qu'il y avait une équipe prête à être relocalisée ou à être octroyée dans le cadre d'une expansion à Montréal, on ne jouera pas au stade olympique de façon permanente. Alors oubliez ça. Il n'y a aucune chance que ça se produise. Aucune. Même si on plantait du gazon naturel dans le stade olympique et puis qu'on enlevait le toit pour un toit rétractable, le baseball majeur, ce qu'il désire, c'est une nouvelle façon de développer un quartier de divertissement autour du stade de baseball afin qu'on ne se déplace plus seulement que pour le match de baseball, mais qu'on se déplace pour un après-midi entier, une soirée entière de divertissement, ouais. Loisir. Qu'on aille prendre un apéro dans un bar, qu'on aille manger dans un restaurant, qu'on se déplace ensuite vers le stade, c'est ça que les gens du baseball majeur souhaitent. Ils souhaitent une façon, c'est comme l'expression anglaise, là, c'est lifestyle, là, c'est un mode de vie. C'est un peu gros comme expression, mais c'est la sortie au baseball, ça devient pas juste une partie de ta journée, ça devient ta sortie au complet. Et au stade olympique, ben oubliez ça, on peut pas faire ça. On n'enlèvera pas tous les immeubles à condos qui ont été construits autour du stade olympique pour faire des restaurants puis des bars. La rue Sherbrooke du stade olympique, à pied, c'est trop loin pour les gens. C'est un... Tu sais, avant, il y avait un gros Mose, là, la chaîne Mose qui n'existe plus, là. Il y avait ça au coin de Pinneuf et Sherbrooke. Ben, le monde n'y allait pas, même quand le baseball était là. Ils veulent rester prêts. Et tu as donné le meilleur exemple de Wrigley Field. La même chose avec Fenway Park à Boston. Le quadrilatère au complet pendant les matchs et quelques heures avant est fermé à toute circulation. Les rues autour du stade deviennent partie intégrante du stade. Avec ton billet, tu peux entrer, sortir pendant tout le match, aller dans les boutiques, les restaurants autour. Pour peu importe la raison, là, c'est pas des amateurs de baseball purs et durs qui vont tout voir les matchs des Red Sox à Fenway Park. T'as des gens qui sont là, oui, pour aller voir un peu de baseball, mais que ça leur dérange pas pendant 2-3 manches d'aller magasiner dans les boutiques autour et tout ça. Alors, c'est cette nouvelle façon de développer que le baseball majeur a. Et je vais vous dire une chose, là. Les Dangereuses, là, s'ils n'étaient pas installés à Chavez Ravine, là, au ravin Chavez où ils sont présentement, ou que t'as juste une route qui mène là, puis une route pour sortir, puis que tout autour du stade, c'est un immense stationnement bétonné, les Dangereuses aujourd'hui, s'ils présentaient le plan de Chavez Ravine pour leur nouveau stade de baseball, ça serait refusé par le baseball. T'as parlé de tout ça, mais t'as le fait. Quand je arrive à 2 ans à Cleveland, à Détroit, au début du mois d'août, t'avais des feux d'artifice. C'était encore beaucoup plus beau, les feux d'artifice, que ce qu'on a à Québec et à Montréal. Là. Et ça, c'est après le match de baseball. Ça, tu peux pas faire ça au Stade Olympique. Là. Impossible. Hein. Non, tu peux pas faire ça. Allez, en terminant, oui, si advenant que Valérie Plante gagnerait, est-ce que les sportifs perdraient un grand allié en Denis Coderre? Ça reste à voir. C'est sûr que Denis Coderre est un grand partenaire pour tout ce qui est sport et divertissement. Moi, je pense que, et c'est ce qu'elle a exprimé cette semaine sur différentes tribunes, que Mme Plante, elle aussi, c'est une citoyenne active, mais tu sais, qui comprend l'engouement des Montréalais pour le retour du baseball, et elle ne souhaite pas, et elle l'a répété souvent dans cette campagne-là, et parfois c'est passé un peu inaperçu, elle n'est pas contre le retour du baseball, loin de là. Moi, je pense que quand un groupe de gens d'affaires qui sont prêts à investir 1,5 milliard de dollars dans ta ville, tu peux pas être contre ça, c'est impossible. C'est impossible. Alors moi, je pense que c'est juste qu'il va falloir trouver une façon différente, peut-être, de financer le stade, mais je suis convaincu, je le demeure encore, le retour du baseball à Montréal, selon moi, c'est chose faite. On attend juste de savoir qu'est-ce qui se passe avec les Rays de Tampa Bay pour savoir quelle équipe on va avoir à Montréal. Oui, effectivement. Fédéric de la presse canadienne et pas Ching Rays, que je vous invite à aller sur Facebook, écouter tous les lundis, qui est en ligne, un genre de talk show sportif qui ressemble à 110%. Donc, c'est une bonne invitation. Frédéric, un gros merci, pour on s'en parle prochainement. Merci beaucoup, Daniel. À la prochaine. De la presse canadienne, Frédéric Deck.